Premier livre de Samuel, chapitre 31. Or les Philistins combattirent contre Israël, et ceux d'Israël s'enfuirent de devant les Philistins, et furent tués en la montagne de Gilboa. Et les Philistins atteignirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Et le combat se renforça contre Saül, et les archers tirant de l'arc le trouvèrent, et il eut fort grande peur de ses archers. Alors Saül dit à son écuyer, « Tire ton épée, et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent, ne me transperce, et ne se joue de moi. » Mais son écuyer ne le voulut point faire, parce qu'il était fort effrayé. Saül donc prit l'épée, et se jeta dessus. Alors l'écuyer de Saül ayant vu que Saül était mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut avec lui. Ainsi mourut en ce jour-là Saül et ses trois fils, son écuyer, et tous ses gens. Et ceux d'Israël qui étaient au-dessous de la vallée, et au-dessous du Jourdain, ayant vu que les Israélites s'en étaient fuis, et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent les villes, et s'enfuirent, de sorte que les Philistins y entrèrent, et y habitèrent. Or il arriva que dès le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses trois fils étendus sur la montagne de Gilboa. Et ils coupèrent la tête de Saül, et le dépouillèrent de ses armes, qu'ils envoyèrent au pays des Philistins, dans tous les environs, pour en faire savoir les nouvelles dans les temples de leurs faux dieux, et parmi le peuple. Et ils mirent ses armes au temple de Astaroth, et attachèrent son corps à la muraille de Beth-San. Or les habitants de Jabé de Galaa, apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül. Et tous les vaillants hommes d'entre eux, se levèrent et marchèrent toute la nuit, et enlevèrent le corps de Saül, et les corps de ses fils, de la muraille de Beth-San, et revinrent à Jabé, où ils les brûlèrent. Puis ils prirent leurs os, les ensevelirent sous un chêne près de Jabé, et ils jeûnèrent 7 jours.